pas, et jusqu'à la déclaration d'indépendance des États-Unis, jusqu'à l'avènement de la Société des Nations, et même enfin de l'ONU en 1948. Mais avant ça, les révolutionnaires haïtiens, Toussaint Louverture et ses compagnons, ont instrumentalisé justement la déclaration des droits de l'homme, n'est-ce pas, les droits de l'homme et même les avancées, les révolutions anglaises, pour poser le problème des esclaves. Vous comprenez ça? Donc, alors, quand les Africains faisaient ça, dans les années 60, si on prend ça pour référence, parce que les Français, les Belges, les Anglais, tous ces gens-là répondaient que vous êtes ingrats, que vous n'êtes pas digne de reconnaître les bienfaits de la colonisation. Non, vous apportez les lumières de la civilisation, et pour seule récompense, vous demandez de partir. Et ce même discours a été tenu par M. Emmanuel Macron à Yaoundé. Là, il traite les Africains d'hypocrites. Vous avez tout compris. C'est une tradition. Pourquoi vous en voulez à ce petit général? C'est un petit militaire. C'est un petit militaire qui exécute les ordres. Si on le dit, dit le contraire, demain il va dire non. C'est un exécutant, non? Laissez le petit militaire. Il faut toucher le. On est là dans la. Les plaques fondamentales. Les plaques fondamentales. De la structure, j'allais même dire quasi-génétique, génétique, n'est-ce pas, génétique, du raisonnement des puissances occidentales à l'égard du continent africain en particulier. C'est-à-dire qu'ils ne comprendront, ils n'acceptent jamais, ils disent que nous sommes trop ingrats. Quoi, ben, des gens nous ont esclavagisés, on n'a pas pu leur dire merci. Que vous ne savez pas que l'esclavage était la condition nécessaire pour que votre âme soit rachetée, d'autant plus qu'on le faisait au nom de Jésus-Christ. Le christianisme colonial, vous vous souvenez de cette affaire. Donc, comment est-ce que vous ne pouvez pas nous dire merci parce que l'esclavage a permis que la rédemption de vos âmes. Mais la colonisation, c'était la mission civilisatrice. Comment vous êtes aussi ingrat? C'est un discours qui n'a pas changé, qui est le même depuis au moins 600 ans. Fabrice, donc, si on prend l'esclavage pour référence. C'est un discours qui est le même. Elle dit que nous dit tous les jours, frapper les Africains en disant qu'ils sont ingrats. Les culpabiliser qu'ils ne sont pas reconnaissants envers les souffrances, les sacrifices extraordinaires du colon, de l'esclavagisme, du néocolonialisme et du Tintin qui est à l'Élysée qui vient nous dire que nous sommes hypocrites. Donc, c'est le même discours. Donc, ce général-là, vous voulez qu'il dise quoi? Il est moulé dans ça. Il est moulé dans ça. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous dites? Un de ses prédécesseurs a dit que nous venons au Mali pour 100 ans. Vous pouvez le trouver son nom, vous allez voir. Quand on est là pour 100 ans, on est venu, la première fois on est venu, on est parti. Cette fois-ci, on ne bouge pas. C'est un militaire qui parle. Vous voyez comment ils sont moulés. Ils sont moulés dans l'esprit colonial, dans l'esprit du fascisme impérialiste. Ils sont moulés dans ça à fond. Donc ce général n'est que, ses propos ne sont que la manifestation, n'est-ce pas, d'une mentalité occidentale qui est quasi-génétique désormais, dans les relations qui lient l'Afrique, n'est-ce pas, à l'Occident, puis dans son ensemble, et en particulier par rapport à la France. Non, on ne va pas s'attarder dessus, parce qu'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Il parle de sacrifice, de vous voulez qu'on lui rappelle le traitement que les militaires africains qui sont allés libérer la France ont eu? On va lui rappeler Charoï. On va lui rappeler Charoï. On va lui rappeler le racisme au niveau même du traitement, c'est-à-dire qu'en termes de soldes, des anciens combattants, elle dit, on va leur rappeler quoi comme, regardez-moi les gens qui parlent d'injures. Mais, quand ils parlent d'injures, il faut attendre ça dans le sens qu'ils sont en train d'expliquer. L'injure, c'est qu'ils ne comprennent pas comment nous sommes si ingrats, en ne disant pas merci pour l'humanité, en plus qu'ils nous ont apporté, en nous colonisant, en nous esclavagisant. C'est-à-dire, quand ils pillent nos richesses, quand ils pillent nos ressources, ils nous font du bien. Et on doit dire, mais merci, parce que nous ne maîtrisons rien dans ces ressources-là. S'ils laissent, ça va pourrir dans le sol parce que nous sommes des inconsistants. Nous n'apportons rien à la technologie, à l'aventure technologique mondiale. Nous n'apportons rien. Donc, pourquoi on peut revendiquer la matière première? C'est grâce à la technologie, n'est-ce pas, que les matières premières ont de la valeur. Tout ça, ce sont des présupposés non dits, mais qui sont au cœur de leur action. Il ne vous dira pas que depuis que la France s'est installée au Mali, elle vaut l'or, elle est une première puissance en termes d'or qu'elle ne produit, qu'elle n'a pas dans son sous-sol. Il ne dit pas que la France vole l'or, vole l'eau, vole les mines. Vous allez voir dans les jours qui viennent, les vérités vont sortir. C'est le pillage. Quand M. Le Drian, qui est désormais un véritable brigand, n'est-ce pas? Quand M. Le Drian, on espère que la plainte va aller au bout contre lui. D'ailleurs, qu'elle aille au bout ou pas, le fait déjà là. On lui a porté plainte au Mali, il a dit qu'une plainte au Mali. Donc, quand M. Le Drian Comment est-ce que je voulais dire ça? J'ai perdu le fil de mes idées. Oh, voilà. Quand M. Le Drian dit que la Russie se paye sur la bête. Non, non, non. Il est, c'est-à-dire qu'il remplace la Russie par la France. C'est ce que la France fait, a toujours fait. Donc, dans sa tête, il est traumatisé. Il pense que non, la Russie fait, se paye, se sert sur la bête. Mais ils ont passé le temps à se servir sur la bête. Alors, ce général-là, il réclame quoi? C'est parce qu'on est militaire qu'on est obligé d'être un idiot. C'est parce qu'on est un général militaire qu'on est obligé de fermer les yeux, de tuer sa conscience, parce qu'on défend, on défend ça, ça, un État impérialiste, même pas son peuple, mais un État impérialiste. Donc, il raconte quoi? Donc, la Russie, la France s'est toujours payée sur la bête. Alors, faut pas accuser la Russie dans les fantasmes. La France, il y a les preuves. Il y a le franc CFA. C'est quoi le franc CFA? Ce n'est pas le paiement direct sur la bête. Monnaie nazie. Les accords secrets de coopération. C'est quoi? Voilà les preuves. Quand on dit que la Russie se sert sur la bête, apportez les preuves. Il est normal que les pays africains qui traitent dans un partenariat sérieux, solide et égalitaire avec la Russie disent que bon, ok, ta présence ici, en retour, nous on ça. C'est normal. Mais c'est pas pareil avec le franc CFA, monnaie nazie. Mon cher Doum, c'est pas pareil avec les accords secrets, on a honte de les publier, secrets de coopération qui ont longtemps lié la France à ses colonies, n'est-ce pas, où les sous-sols sont confisqués par la France, où on vous a interdit de vendre, n'est-ce pas, les matières premières de votre sous-sol à un autre pays sans l'autorisation de la France. Ce sont des faits, vous comprenez? Alors, ce sont pas les entreprises russes qui ont colonisé l'espace économique africain. Du tout. Ce sont les multinationales françaises et occidentales. C'est pas la Russie qui a voté une loi, mon Dieu, en plein 21e siècle. Et là, je convoque l'État criminel néo-nazi américain, n'est-ce pas? Ce n'est pas la Russie qui a voté une loi qui nous interdit, nous, Africains, de coopérer avec les Américains. Quand je dis les Russes, je sens que c'est une démarche. Je dis que les Russes n'ont pas voté une loi pour dire qu'on interdit aux Africains de coopérer avec leur partenariat. Absolument. C'est un État terroriste qu'on appelle les États-Unis qui, en plein 21e siècle, ose voter une loi, écrire, penser, élaborer une loi, élever ça au niveau d'une politique étrangère. Qui nous interdit, nous, Africains, de collaborer avec qui on veut, de traiter avec la Russie, ce n'est pas une sanction, mais pendant que les Américains, eux, ils collaborent avec la Russie en pleine guerre d'Ukraine, ils achètent l'uranium chez les Russes, les céréales et beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez très bien qu'il ne s'agit pas de raconter des histoires, il faut apporter les preuves de ce qu'on raconte, il faut apporter les faits. Ce ne sont pas les Africains, ce n'est pas le Mali, n'est-ce pas, qui organise le mercenariat au niveau international, qui a élevé le mercenariat au niveau d'une pratique internationale, n'est-ce pas, qui crie sur tous les toits pour citer les entreprises de mercenaires qui sont liées à l'Occident. Ce sont les Français qui, matin, me disent soir, crient Wagner, comme si, elle dit Wagner, matin, me dit soir, alors que, mais, elle dit que ceux qui ont pratiquement, comment on dit ça, ça dit que légitimer sur le plan quasi juridique l'existence des sociétés militaires privées, mais c'est pas la Russie qui a inventé ça, c'est les Occidentaux. Tout à fait. Donc vous voyez qu'on est dans une posture d'hypocrisie, de manipulation. On est là dans les opérations de programmation neurolinguistique. Ce sont des programmes qui sont pensés, élaborés au niveau de la CIA. Ils sont mis en œuvre dans des pareils champs d'opération comme ceci. Quand vous voyez un général vous dire ça, vous voyez que c'est le jeu. Non, on a la programmation mentale. C'est-à-dire qu'il faut toujours répéter. À force de répéter, on allie le soft power et le hard power pour nous imposer une idée. Les médias versent des bombes médiatiques, un déluge de bombes, n'est-ce pas, en termes d'informations qui visent à programmer vos esprits. N'est-ce pas, ils sont dans ces programmes-là. Bon, comme ils ont stéréotypé, ils sont simplement surpris parce que ce n'est plus l'Africain qui est en face d'eux. Et comme ils ne sont pas préparés, c'est un anachronisme même qui nous surprend, nous-mêmes. On se rêve à dire que, mais comment des gens comme ça même peuvent nous dominer? Ils sont même bêtes. Comment des gens aussi bêtes ont pu nous dominer? C'est-à-dire aujourd'hui, quand on se place, quand on regarde le comportement des dirigeants occidentaux, on dit que, donc, la fainéantise aujourd'hui, mais quand on parle de l'élection, on dit que non, le président Malakani insulte. suivez les médias français, à l'heure actuelle, les médias européens, ils disent tout ce que leurs dirigeants, ils disent que mais, partout, ils se demandent que, mais, comment a-t-on pu faire pour être dirigé par des gens aussi cons? C'est-à-dire que l'analyse des sanctions imposées à la Russie, qui se retournent contre l'Europe aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ils sont obligés la nuit d'aller acheter le pétrole aux Russes, la nuit. En mer, on transfère le pétrole des bateaux russes aux bateaux européens pour alimenter l'Europe. Et le prix est deux fois plus cher. Le prix est deux fois plus cher. Donc vous voyez que, mais, c'est-à-dire que les Européens se demandent de plus en plus que, mais, comment peut-on t'expliquer le fait que von Leyen soit une dirigeante européenne? Que M. Macron soit un président d'un pays en Europe? Qu'on ait des dirigeants comme ça, les Trudeau et Consorts? Ils se posent des questions. Hein. Et du coup, mais, nous aujourd'hui, on se demande que, mais, attends. Quand même, qu'est-ce qui s'est passé pendant 600 ans, si on prend ça pour référence? Comment des gens comme ça ont pu le dominer? Mais ils ne sont même pas intelligents. On se rend compte qu'aujourd'hui, mais attendez, il n'y a rien. Les gars ont des programmes arrêtés, ça n'a pas bougé depuis des siècles, sur l'idée qu'on se fait des Africains. On applique les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, et ça a marché, maintenant ça ne marche plus. Et comme eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à un nouvel type d'Africain, ils sont perdus. Donc, vous voulez que ce général dise quoi? Donc, à sa place, vous allez dire, vous voulez qu'il vienne vous dire que, bon, le Mali, vous avez raison, nous avons fait ce que vous dites là, excusez-nous, ne pas dire ça. C'est la fuite en avant jusqu'au bout. D'accord. Il y a un élément commun qui lie toutes les opérations françaises, du moins la MINUSMA sur le continent africain. C'est ce que dénonce d'ailleurs la plainte des autorités de Bamako sur la violation de l'espace aérien. On se rappelle qu'il y a eu, parlant du Cameroun, une brouille, mais il y a eu, disons-le comme cela, une véritable brouille autour du renseignement aérien à un moment donné où le gouvernement camerounais était obligé de faire face à, je veux dire, à la dureté des coups que cela importait. Aujourd'hui, le cas du Mali, le Mali qui fait face donc à ces violations répétées de son espace aérien. Dans la résolution lors de la dernière Assemblée générale, lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsqu'on a renouvelé le mandat de la MINUSMA, il était désormais question pour la MINUSMA de travailler en étroite collaboration avec les autorités de Bamako. Ces derniers avaient refusé désormais un quelconque appui aérien de la part de ces derniers. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier autour de cette affaire, président Wanakam? Oui, c'est un enjeu stratégique. C'est-à-dire que le contrôle aérien dans un théâtre de lutte ou de guerre antiterroriste, entre guillemets, n'est-ce pas? Le contrôle de l'espace aérien est capital. Est capital parce que ça permet d'articuler dans le cadre des guerres aujourd'hui qui sont hybrides, c'est-à-dire des guerres aujourd'hui où les drones jouent un rôle essentiel. Ça permet d'articuler les actions, n'est-ce pas, en matière de télécommunication militaire, n'est-ce pas, de connexion et d'interaction en termes de communication militaire, d'articuler des opérations comme celles qu'on a vues à Katy. C'est-à-dire qu'il y a une coordination numérique, n'est-ce pas, des opérations qui font que le contrôle de l'espace aérien est extrêmement important. Le suivi de l'espace aérien est capital. Quand des gens ne peuvent pas suivre l'espace aérien malien avec leurs drones, par exemple, ils sont paralysés puisqu'il y a les drones à partir desquels on coordonne les actions qui permettent d'échapper à des contrôles classiques, n'est-ce pas, à des formes de contrôle classiques. Donc, vous avez des drones qui sont qui n'ont pas de pilote, qui permettent d'agir, n'est-ce pas, et qui peuvent même à un moment donné échapper à toute réelle immatriculation en termes de dire que bon, okay, c'est tel pays qui est derrière ce drone, c'est tel pays qui est derrière cette opération-ci, est placé sous telle bannière, qui est responsable, machin et consort. Donc, les enjeux sont clairs. Les enjeux sont clairs. La question des droits de l'homme est importante. Vous savez qu'on peut manipuler les images satellitaires à tout point de vue. On peut manipuler les images qu'on a filmées à partir des drones. On a vu ce qui s'est passé au niveau du camp de Gossi avec ces images où on avait l'impression que des êtres humains étaient en train d'ensevelir d'autres. Voilà. Vous voyez, des choses comme ça sont possibles à partir d'une certaine hauteur aérienne qui permet, n'est-ce pas, d'articuler des photos et des films qu'on tourne dans des studios complètement préfabriqués, n'est-ce pas, pour créer des fake news, n'est-ce pas, des fake news, n'est-ce pas, qui sont suivies d'images de manipulation. Alors la guerre, le théâtre ukrainien nous a montré, c'est tout ce que passe le temps à faire ce type qui s'appelle Zelensky. Il passe son temps à faire ça. Et bon, là maintenant, la dernière, c'est la centrale nucléaire. Il bombarde la centrale nucléaire pour accuser la Russie. Vous voyez les enjeux, n'est-ce pas, du contrôle de l'espace aérien dans un contexte comme celui-ci. C'est pour ça que le Mali ne joue pas avec ça. Et il faut que les gens respectent les procédures que même ils ont élaborées dans le cadre des accords qui lient les États à l'AMUNISMA, aux missions des Nations Unies. Est-ce que ça doit être aujourd'hui la seule responsabilité du Mali, puisque non. La Guinée équatoriale également, ça fait pas longtemps, a intercepté un avion, un aéronef pareil qui survolait son territoire sans toutefois avoir une quelconque autorisation. Et donc, on peut comprendre aujourd'hui que nous sommes à la merci de l'Occident avec ses drones et ses aéronefs qui survolent les territoires africains avec des missions dont nous sommes jusqu'ici ignorants. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai parlé, quand on parle du gouvernement, ce n'est pas seulement vrai au niveau des avions militaires. Le système SWIFT, c'était quoi? SWIFT, à partir du quand on a voulu asphyxier la Russie, c'était quoi? Vous voyez, je vous parle de ça, le gouvernement technologique. Le gouvernement technologique, où désormais vous ne gouvernez pas les algorithmes. Si vous ne maîtrisez pas les algorithmes, vous êtes mort. Parce qu'à partir des algorithmes, n'est-ce pas, de la connectivité, c'est-à-dire que tout est possible. Tout est possible et à partir de là, vous êtes désarmé. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est un espace, n'est-ce pas, où il y a un décalage entre les capacités à légiférer au niveau des pays africains et le niveau d'avancement de la technique, par exemple, en la matière. Donc, si même un pays africain veut légiférer, il va légiférer sur la base de quoi? Lui qui n'a pas une bonne maîtrise, n'est-ce pas, en termes de maîtrise de l'évolution technologique en la matière, si on prend le cas des drones. Donc vous voyez comment il y a une espèce de coordination digitale et numérique du monde qu'on est en train de mettre en place dans le but justement d'entrer dans ce qu'on appelle la data-démocratie, c'est-à-dire la data-dictature, qui est la maîtrise des données. Alors maintenant, si à ce niveau-là, vous ne maîtrisez pas les données, parce que vous êtes faible au niveau de ce qu'on appelle le gouvernement numérique, vous êtes faible au niveau de ce qu'on appelle justement le gouvernement numérique, le gouvernement digital, mais c'est-à-dire que vous êtes à la merci. C'est-à-dire, l'enjeu est profond, là. L'enjeu est profond. C'est pour ça que nous appelons depuis très longtemps à ce que les Africains s'asseyent et relisent le tout l'ensemble du droit international. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne parle même pas de la bataille numérique, de la cyberguerre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. La cyberguerre où nous sommes complètement, n'est-ce pas, largués. On n'existe même pas. C'est-à-dire que, aujourd'hui, mais le cyberspace est un champ de guerre extraordinaire à partir duquel on peut désarticuler une armée, déstabiliser un pays en un temps record. Vous n'avez qu'à voir l'impact des réseaux sociaux dans les pays africains. Et à ce niveau, observez une chose. Si, au niveau des réseaux sociaux, les États africains sont comme ils sont là, c'est-à-dire qu'ils ne s'y intéressent même pas en termes stratégiques, mais vous retrouvez avec des contenus dans les réseaux sociaux qui sont complètement contrôlés par vos ennemis. Parce que Facebook, YouTube ont le droit de censurer quiconque dit un mot qui ne leur plaît pas. Et les États africains laissent faire. Ne comprennent pas que ils doivent se battre à ce niveau-là pour la protection de la liberté d'expression de leurs citoyens. Vous dites une chose, mais ce que fait Facebook, c'est impensable. C'est impensable. Monsieur Macron et Monsieur Ouattara, si on prend leur cas, censurent tous les contenus qui mettent en exergue au niveau des réseaux sociaux, n'est-ce pas, les crimes. Ils censurent. Face à ça, le citoyen a quel pouvoir? Lorsqu'un citoyen africain est devant sa plateforme numérique, il est là. Il veut communiquer, on censure. Il est désarmé. Mais c'est grave, ça c'est pire que la dictature. C'est du nazisme numérique. Tu es désarmé, on t'interdit de parler. On te bloque. Quels sont les États, quel est le rôle, que font les États pour garantir la liberté, n'est-ce pas, d'expression cybernétique de leurs citoyens?